Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 32e numéro du mag. Comme chaque semaine, nous allons faire le tour de l'actu des comics VO et VF, mais aussi de leurs adaptations au cinéma et à la télé. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 32e numéro du mag. Et avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Clément. Salut. Irish. Salut. J'ai envie de dire, on retrouve une configuration normale après cette petite parenthèse en duo avec Irish. C'est sûr, il nous avait pas manqué. Et puis, il y en a un des deux qui nous a moins manqué que l'autre, il faut quand même. Tu le prends pour toi, Clément? Bizarre. Allez, on va commencer par l'actu télé. Hein. On va pas changer un ordre qui marche. Et c'est toi, Irish, qui va ouvrir cette émission avec Supergirl. Oui, c'est une belle émission qui commence. Notre série préférée à tous. On annonce le casting d'un jeune garçon de 13 ans pour jouer qui? Kal-El, Superman enfant. Donc, dans un rôle récurrent. On n'aura pas Superman adulte Henry Cavill, mais on aura bien Superman sur Krypton. Donc pour sûrement des flashbacks avec Kara. Pas sur Krypton, puisque on voit dans le pilote. À présent, il est sur Terre. Ah non, pardon, sur Terre. Donc voilà, dans un premier apparition dans un flashback pour l'épisode 13, et puis après, de toute façon, je vois pas comment il peut apparaître ailleurs que dans des flashbacks. Oui. Peut-être cette fois-ci on n'aura pas le soleil pour le cacher. Ouais. Pour le cacher. Et puis avec un petit peu de chance, cet acteur, il pourra aller jouer dans Gotham vu son âge. Et peut-être ce sera le même, hein, qui sait. Le crossover de la mort. Oh mon dieu. On en rêve tous. Surtout attends. Moi, je fais un commentaire audio en live au milieu de la nuit, hein, s'il y a ça. Allez, Supergirl toujours, décidément. Supergirl, Arnaud. Et tu as bien fait de parler de crossover, puisque il y a une rumeur de crossover entre Supergirl et Flash pendant ce qu'on appelle les sweeps du mois de mai. En fait, c'est fin avril, début mai. C'est l'époque où Nielsen qui récupère les audiences, enfin qui commente les audiences, fait très attention aux programmes qui sont diffusés pendant ces deux semaines-là pour évaluer le coût de la publicité. Et donc, c'est des moments, il y en a plusieurs dans l'année, donc au mois de novembre et en mai. Donc, c'est pour ça que tu as souvent des épisodes... très spéciaux. Des épisodes spéciaux avec plein de guest stars ou ce genre de choses au mois de novembre. C'est pour ça qu'il y a le crossover Flash Arrow en novembre. Enfin, fin novembre, début décembre. Et donc, si la série Supergirl est prolongée, puisque pour l'instant, il n'y a que 13 épisodes, donc ça ne va pas jusqu'au mois de mai, mais si CBS commande des épisodes supplémentaires pour aller jusqu'à la fin de saison, il y a des rumeurs de crossover avec Flash. Donc une série. Waouh! Ça, c'était Clément? Oui. Non, c'est pas moi, non. Ah non, ça, c'était moi. C'est pas grave, c'est Clément. Voilà. Une série qui avait des audiences qui baissent énormément. Oui, Supergirl, ça a encore baissé cette semaine. Depuis son pilote, elle a quasiment perdu la moitié de son public. Elle arrive quasiment aux mêmes audiences que Flash bientôt. Donc, prendre une série qui chute énormément, faire un crossover avec la série DC qui fonctionne le mieux, en tout cas qui est la plus populaire, c'est pas si con. Alors, les mêmes audiences que Flash, en termes de part de marché, hein, en termes de spectateurs, c'est quand même encore bien au-dessus. Oui, c'est au moins le double. Voilà. Je vais te poser la question quand on parlait de Supergirl, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de crossover ou... La patronne de CBS a répété énormément de fois avant la diffusion, cet été elle a arrêté de répéter que pour l'instant ils ne voulaient pas de crossover, que c'était pas prévu. Un mois après la diffusion, la moitié du public barré et maintenant il y a des rumeurs de crossover. Mais pour le moment, ça dure hein, pour le moment. Surtout, c'est pas des univers, même c'est pratiquement les mêmes univers. Hein. Ce sera un coup d'univers parallèle. Ils vont faire un univers parallèle. Donc, je veux dire, l'univers de la série, les deux sont tout autant colorés. Ce serait pas vraiment un changement. C'est pas deux styles totalement opposés sur lesquels on peut pas faire. crossover. Oui, c'est sûr, c'est pas Supergirl avec Constantine. Voilà. C'est sûr. Arrow, deuxième série. Moi, je pense que ça peut être qu'une bonne Supergirl. J'ai pas compris du coup. Je pense que ça ne peut être qu'une bonne chose pour Supergirl. De toute façon, ouais, Flash, lui, il n'en a pas besoin. Au contraire, même. Ouais, mais on s'en fout de Supergirl. Oui, c'est ça. J'avais compris. N'empêche, je tiens à souligner comment c'est beau, comment Mathieu était prêt à lancer la suite et que ouais. Irish l'a bien coupé comme un gros porc. J'ai été coupé en plein vol, ouais. Mais en même temps, pour parler d'Arrow, est-ce qu'il y avait urgence? Je sais pas. Non. Clément, du coup, bah, c'est toi qui vas nous en parler. Ouais, donc là, c'est une annonce de casting encore. Donc, Tom Amandes, je ne sais pas si ça se dit comme ça. On va dire que oui. On va dire que oui. Donc, il a joué dans Everwood, jouera Noah Cutler, alias The Calculator, un méchant, bah, pas de Green Arrow, hein, évidemment, un méchant de Batman, sera lié au retour de Roy Harper. Ouais. Voilà. Donc, on sait que... on sent l'enthousiasme. On savait que Colton Haynes allait revenir dans le rôle de Roy Harper. Voilà, maintenant, on sait... on a une des raisons, peut-être, de son retour, voilà, qui serait liée à cet ennemi de 4e, 5e zone de Batman. Oui, encore, c'est gentil. Le canon pareil. Calculator. Bah, pour que la Warner autorise la chaîne à utiliser... la CW à utiliser un ennemi de Batman, il faut vraiment qu'il soit bas dans l'échelle pour être sûr qu'on n'aura pas... Ah oui. Bah, honnêtement, je lis Batman depuis des années, j'avais jamais entendu parler de Batman. C'est un très très vieux. Hein. Bah, apparemment, il a aussi énormément été un ennemi de Oracle, ce qui remonte déjà à très longtemps. Un vieux personnage. Est-ce qu'on reste du côté de chez DC? Oui, on va peut-être rester du côté de chez DC pour finir un petit peu avant de passer aux séries Marvel. Et on a eu droit lundi dernier à Irish, un trailer de Legends of Tomorrow. Exactement. Donc on a lundi un nouveau trailer qui est sorti, qui a été déposé sur la toile. Et c'est un trailer, il est un peu plus court que le premier auquel on avait eu droit, mais beaucoup plus explicite. Là, on a vraiment un peu plus de détails sur l'histoire. Ouais. C'est pas comme Star Wars. Hein. On voit un peu plus tout ce qui va se passer. Et je dois dire que j'ai trouvé ça assez, assez excitant. On voit toutes les forces en présence. On a même droit à voir le méchant, Vandal Savage. Mm-hmm. On le voit remonter le temps. Remonter le temps, il me semble, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, et tous les personnages concernés. En passant par Arrow. Par contre, j'ai pas vu le Flash. Je pense pas qu'il. On l'aperçoit, je crois. On l'aperçoit. Ouais. Ouais. Mais il va trop vite. Ouais. On va voir ça. Ça va être ça. Donc, de Arrow jusqu'au frère de Prison Break. Comment ça reste, ouais. Captain Cold, Heatwave. Voilà. Donc, toi, ça t'a un petit peu enthousiasmé. Bah moi je trouve que c'était bien, j'ai bien aimé. Que Clément, Arnaud, je suis sûr vous en avez partout. Moi j'ai hurlé devant mon écran, j'ai regardé 4 fois, j'ai repassé des passages, mais le moment où t'as Arthur Darville, il me semble que c'est lui qui dit I've seen Men of Steel die and Dark Knight fall. J'étais là, mais est-ce que j'ai bien entendu? Attends, je vais repasser la séquence 4 fois pour bien entendre. Oui. Non, mais ça... C'est impressionnant. Ouais, déjà, la bande-annonce est très bien montée, ça donne vraiment envie. Et franchement, ça a l'air mais tellement fun. C'est... Bah, j'ai mal compris. Alors, pourquoi Mathieu, il disait? Parce que moi, j'ai eu l'impression qu'il disait que vous aviez trouvé ça nul. Mais non, parce que t'as été un peu enthousiasmé, les autres, c'est plus qu'un peu. Ah, d'accord, non, j'essaie juste de modérer, mais j'ai trouvé ça super bien. J'essaie de modérer mon enthousiasme. C'est parti, fanboy complet. Ah, ok, d'accord. Bah, je pense qu'on est totalement d'accord. Non, ça a l'air hyper, hyper prometteur. Bah, ouais. Franchement, ça... Ouais, non, ça s'annonce vraiment très... La série arrivera le 21 janvier. Hein, c'est bien confirmé, comme on le disait la semaine dernière, c'est bien le 21 janvier que l'épisode pilote arrivera. Puisqu'on est sur Legends of Tomorrow, Clément, je te propose de continuer et Bleeding Cool nous a annoncé quelque chose d'assez intéressant à mon sens. Ouais, intéressant. Après, est-ce que ça va être vrai? Parce que je crois que Bleeding Cool dit pas forcément... ils sont quand même bien renseignés souvent. Ouais, donc... mais bon, ça peut être intéressant et ça me semble quand même bien probable. Donc, selon Bleeding Cool, Legends of Tomorrow changerait de casting à chaque saison et Matt Ryan aurait été approché pour reprendre le costume de Constantine dans la saison 2. Donc, j'aime plutôt le concept, qu'on change de team à Oui, c'est chaque série, ça réanthologique. peut, c'est ça, série anthologique, ça peut permettre d'introduire assez facilement des nouveaux personnages de l'univers du comics, qui vont, effectivement, ça peut être la meilleure approche pour introduire Constantine dedans, quoi. On pourrait très bien imaginer une petite Justice League Dark, pourquoi pas, Oui, dans enfin voilà, quelque chose certainement, comme ça, quoi. plutôt le côté dark, Ça peut voilà, on être aura les très voyages dans le temps et dans l'espace avec la première saison, pourquoi pas quelque chose d'un peu plus mystique en magique. saison 2, ouais, pourquoi pas. Mais juste une petite clarification, lorsque vous dites qu'on changera de personnage, est-ce qu'on aura les mêmes, je veux dire, les mêmes héros, mais joués par des personnes différentes ou Non, ça carrément sera différents? là, Personnages différents. cette année on a Hawkgirl, Hawkman, Ouais. Captain Cold, Heatwave, machin, l'année prochaine on aura Constantine et puis je ne sais pas qui. Ah, d'accord. Ah oui, mais là, il va falloir en trouver pas mal. Oh, bah je me fais pas de soucis, le catalogue d'essai est assez riche. Non, bah oui. Bah, l'avantage avec ceux de cette saison, c'est qu'avec The Flash et Arrow, ils ont été pas mal introduits. Donc, le problème de tous les traiter ne se pose pas vraiment parce qu'on a déjà tous leur origine dans les divers Flash ou Non, Arrow. ça sera le cas pour les Oui. prochains. Bah, ça m'étonnerait pas qu'on retrouve le nouvel assistant de Ouais. Felicity. Ouais, Ah, bah, bien sûr, par exemple. oui, Et en puis vibe. Sitko en vibe, pourquoi pas aussi une Killer Frost avec Caitlin Snow. Enfin voilà, il y a possibilité déjà, rien que dans le stock de personnages qu'on a, Ouais. d'utiliser pas mal. Wally West qui va aussi arriver, enfin voilà, il y a quand même pas Oui, mal il y de. a plein de choses. Il y a Jesse plein de Kunick, possibilités. Il y il y a a plein de plein de possibilités. possibilités. Ouais. Mais après, il faudra voir aussi comment ces personnages-là seront traités après dans The Flash ou Arrow. Oui. On va déjà regarder la saison 1, Ouais. attendre que ce soit renouvelé, et on verra pour la suite. Et on va terminer sur la CW, et c'est toi, Erich. Une bonne nouvelle pour iZombie. Ouais. Donc, on a six épisodes supplémentaires qui ont été commandés, ce qui fait que la saison 2, qui est en cours de diffusion, devrait passer de 12 à 19 épisodes, ce qui 13 à pourrait diminuer. 19. Ouais, 13 à 19, sinon ça fait pas 6. Clément Bis. Le 19 épisodes, ce qui est plutôt une mini consécration, quoi, pour Ouais. À Voilà. la fois, c'est une très bonne nouvelle, mais ça fait peur qu'il n'y en ait que 19 et pas 22. Et quand on regarde les audiences, on peut avoir peur Oui, que pour une saison 3. ça peut être les 6 épisodes pour finir. Voilà, qui fait un peu peur. C'est possible. Voilà pour les séries DC. Maintenant, du côté de chez Marvel, il y a aussi des choses qui se sont passées. On va remonter un petit peu plus haut, du coup. Et Arnaud, on en parlera jeudi pour le débrief de la saison 1 et on peut déjà sortir le champagne. Oui, alors c'est pas un renouvellement. Jessica Jones n'a pas été renouvelée pour une saison 2, calmez-vous. Mais là, ce qui va pas tarder, c'est sûr et Ah, certain. j'avais pas vu le si, moi j'étais. Ah, Voilà. moi j'avais vu, mais je me demandais ce que ça foutait là. C'est la showrunner de la série, donc Melissa Rosenberg, qui a parlé, elle a dit si la série est renouvelée, bien sûr, elle veut en faire une saison 2. La saison 2 arrivera, c'est sûr, hein. Vu le succès de la série, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, hein. Mais elle a dit si, quand, enfin, plutôt, on va dire plutôt quand la saison 2 sera annoncée. Il n'est pas certain qu'on la voit rapidement parce qu'il y a des questions de contrat. Il y a certaines séries qui doivent être tournées avant une certaine date, tout ça. Et notamment, on parle de Defenders, qui a une sorte de deadline. Hein. Et donc, c'est possible que Jessica Jones soit enfin, la saison 2 soit mise de côté pour d'abord finir de tourner Luke Cage, tourner Iron Fist, Defenders. Et donc, on pourrait peut-être avoir la saison 2 de Jessica Jones seulement après Defenders. Bon, pourquoi pas les avoir chacun un rythme un peu différent plutôt que d'avoir le même cycle qui se répète à chaque fois. Non, c'est pas mal. Ouais, C'est mais sûr, en mais même ça veut temps. dire 2017-2018. Bah voilà, c'est Oui, ça. pas grave. Ouais. Non, Ça va être long quand même. Hein. Ça va être Ah long. bah oui, ça va être long. On a vu un peu ce qui s'est passé sur Canal+ avec ses revenants, hein. Autant de temps entre. C'est pas le même registre. C'est pas le même Oui. registre, mais Oui, avoir puis autant Jessica, de on l'a temps. retrouvé. On la reverra dans Daredevil, dans Ouais, Luke on aura vu Cage. Luke Cage. On va la retrouver dans plusieurs séries, donc c'est pas. Voilà, c'est pour ça que c'est pas grave que sa propre série à Non. elle. Non, je pense. Moi, ça m'embête un petit peu d'attendre si Ah, je suis longtemps, d'accord. surtout après, c'est que des spéculations. Elle-même, elle dit, j'ai entendu parler de certaines choses, mais je suis pas non plus totalement au courant de tout ce qui se passe chez Marvel. C'est pas la patronne, mais elle le dit. Je sais qu'il y a des questions de date et de deadline et c'est possible que on n'arrive pas l'année prochaine, quoi. Mais bon, ça commence déjà à se poser, hein, parce que en même temps, avec tous les projets qu'ils ont en simultané, je pense que ce sera pas le premier. C'est le premier, mais ce sera pas le dernier. On va avoir pas mal de cas comme ça qui vont se poser dans le futur. Ouais. En tout cas, la prochaine série Netflix, c'est bien Luke Cage. Enfin, après Daredevil, bien sûr, saison 2. On a déjà une estimation, quoi. Non. Oh non, 2016. Oui, ce sera fin 2016, sûrement la même, à peu près la même époque que Jessica Stanley. Un petit peu plus tôt, on verra. Donc la prochaine, c'est Luke Cage, et on a appris que Sonia Braga a été recrutée pour interpréter le rôle de Soledad Temple, qui n'est autre que la mère de Claire Temple, l'infirmière donc de Hell's Kitchen. Et puis après ça, on aura une série Iron Fist, et quand il s'agit d'Iron Fist, Clément est forcément sur le coup. C'est pas pour rien qu'il a pris cette news du conducteur. Donc Clément? Oui. Mais vas-y, c'est à toi. C'est ton moment, là. c'est mon moment. Merde, attendez, je retrouve plus le... Putain, je suis perdu. Trois lignes avant la fin. Trois lignes avant la fin. Ah bah oui. Quatre. Quatre? Ouais. Ah bah oui, oui, d'accord. Ok, j'allais dire je suis con, mais ça, tout le monde le sait. J'aime bien parce qu'il le sait. Bah oui, non, mais j'anticipe, je vous connais à force. Ouais, donc Jeff Loeb a annoncé qu'on aura bientôt des infos sur Iron Fist, sachant que le silence autour de la série était pour laisser l'attention sur Jessica Jones, qui est considérée comme, enfin, que Marvel considère comme un personnage très peu connu. Voilà. Oui, donc voilà. Plutôt que de brouiller les cartes et d'annoncer des choses sur une série qui est encore assez loin dans le temps, ils ont préféré laisser la promo autour de Jessica Jones garder toute la place, et puis bah, après on parlera de la suite. Donc là maintenant pour Iron Fist, ça devrait tomber assez vite maintenant. Donc toutes les rumeurs de on n'a pas d'infos, c'est parce que ça fonctionne mal, ça va être annulé, etc., ça va être remplacé par Punisher et compagnie, ils non, ont non, dit non. Bah non, c'est juste qu'on laissait Jessica rayonner. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça a valu le coup? On verra ça jeudi. Allez, on va passer à l'actu comics du côté de la VF. C'est Panini qui occupe le terrain cette semaine. On a le programme des sorties de la collection Marvel Now en librairie pour tout le premier trimestre, Arnaud. Oui, alors déjà pour le mois de janvier, pour rappel, il y avait le tome 5 d'Avengers, le tome 3 d'Uncanny X-Men. Mm-hmm. Et Panini a annoncé pour le mois suivant donc le troisième tome de New Avengers et le troisième tome de Deadpool. Mm-hmm. Et ensuite, pour le mois de mars, c'est 3 tomes par mois. Donc à partir du mois de mars, c'est 3 tomes par mois. Avec le 6e tome d'Avengers, qui est la fin du run. La fin aussi du Superior Spider-Man avec le tome 6. Et le 3e tome de Nova. Voilà. Et en plus de tout ça, parce que y a quand même un film Deadpool qui arrive. Ils ont déjà annoncé des choses, mais il y en a d'autres encore qui sortent. Ils ont annoncé leur rétrospective Je suis Deadpool en février. Et l'intégrale de Spider-Man Marvel Team-Up de 79 pour mars, avec Je suis Daredevil et l'intégrale de Daredevil 1967. Voilà. C'est pas comme si la saison 1 était sortie en avril et que peut-être ça sortirait en avril aussi, la saison 2. Peut-être. En tout cas, voilà, on aura la fameuse anthologie consacrée à Daredevil et l'anthologie consacrée à Deadpool. Donc maintenant qu'ils ont un peu réparé les erreurs qu'ils ont fait sur les premières, c'est plutôt bien. C'est tout pour les comics VF cette semaine. Du côté du ciné, pas beaucoup plus de choses. Et Irish, tu vas commencer avec la grosse actu de la semaine. Voilà, parce que je dis pas grand chose, je pense que ça fait toute la semaine pour plusieurs personnes. Parce qu'il s'agit du trailer tant attendu par Mathieu, hein, je veux dire, toutes les semaines. Ouais. Tu parles bien sûr de Captain America Civil War qui a dévoilé un premier trailer. Que j'ai merde. Trouvé. Ah, mais c'est pas possible. Non. Si, il est pas terrible. Il est pas terrible, mais. Il manque de rythme. Il manque de rythme. Mais à la fin du trailer, à chaque fois, à la fin, j'ai envie de relancer. Bon, peut-être c'est toujours. Ce non, il est mauvais, celui-là. Moi, ça m'a pas donné envie du tout. Ah, moi non plus, ah, ça m'a pas du tout donné. Ça m'a bien calmé. Ouais, moi aussi, pareil. Et ça a calmé tellement de monde que du côté de chez Marvel Studios, ils se sont sentis obligés de dire « Oui, vous savez, finalement, c'est peut-être pas une adaptation stricto sensu de Civil War qu'on va vous faire. Ah » bah... Ça, il l'avait déjà dit. Ça, il l'avait déjà dit avant. Ils ont quand même rappelé, quoi. Et... Oui. C'est ce que j'allais dire, parce que là, quand tu vois la bande-annonce, ah ouais, ça a l'air quand même vachement éloigné. Ça a l'air très lié à Bucky. Que ce soit éloigné, ça me gêne pas. Ouais. mais que ce soit aussi peu épique, ça m'embête Ouais, un peu. voilà. Et ben Oui, pour le non, moi coup, aussi, je suis d'accord. j'ai vu le trailer de la com qui a été diffusé à la Comic-Con, qui est totalement différent. Et pour le coup, il est largement meilleur. D'accord. Quand j'ai vu le trailer, j'étais comme un fou en sortant du ciné. Là, quand j'ai vu celui-là, je fais, ouais, ok, Bon, sans plus, après, voilà. je ne sais pas Il est pour. beaucoup plus rythmé, il y a beaucoup plus de scènes d'action, et même si les scènes s'enchaînent mieux, enfin, c'est vraiment plus intéressant, et tu vois plus de personnages aussi. Par exemple, on voit Martin Freeman, alors qu'on ne le voit pas dans celui-là. Oui, là on Et voit pas donc, enfin, vraiment, je pense Spider-Man. qu'ils ont Oh, juste. Spider-Man, on verra pas maintenant. Non, on le verra là, dans le dernier trailer, en avril, quoi. Et encore. Oui, Oui. tu l'apercevras. Est-ce qu'on le veut? Je ne suis même pas sûr. On verra peut-être qu'au cinéma. Ce qui serait pas plus Moi, je mal. pense que s'ils vont teaser un petit peu. Genre, mais ben, vraiment pas grand-chose, mais ils le teaseront tout à la fin. Et enfin, c'est pour Non. dire que le trailer de la. Enfin, c'est juste qu'ils ont mal monté leur trailer parce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de super intéressant. Bah après, c'est le tout premier aussi. Et mais Ouais, moi, c'est comme bon. C'est pas parce que c'est le tout premier que voilà. Moi, ce qui m'a posé problème dans ce trailer, c'est qu'effectivement, il y a un gros problème de rythme. C'est pas du tout épique. Et moi, après, j'espère que ça va pas être ça l'histoire. Mais on a comme l'impression que la Civil War, ça va être provoqué suite à Bucky, en fait. Moi, c'est peut-être le léger et ça, problème. ça. Non, il fait référence à la Sokovie quand même. Hein. C'est la loi, c'est une loi dont le nom porte le. Il y a D'accord, Sokovie mais dans le nom. je pense que Monsieur. Kevin, il fait D'accord. allusion à la scène finale qu'on a entre Iron Man, Captain America et Bucky Barnes, qui apparemment serait plutôt lié à différent entre Bucky ou Iron Man que vraiment la Civil War, en fait. Après, ils ont Et la sorti aussi propre. un. En même temps que le trailer, Marvel a sorti un nouveau synopsis et ils disent qu'en fait, il y a un nouvel accident impliquant des super-héros qui, en gros, a fait déborder le vase et les gouvernements n'en peuvent plus. Et justement, ils imposent cette loi, ce Covid. Est-ce que cet incident aura lieu au début du film ou est-ce que cet incident, c'est l'histoire d'Avengers Age of Ultron? Le doute est permis quand on voit le trailer. Oui. Ouais. Bon, de toute façon, j'ai la petite déception que je peux avoir, c'est par exemple par rapport à Star Wars qui met à l'heure nous dit mais totalement rien du scénario. Là, soit on a une version, une partie du scénario, soit on a tout le scénario. Non, On ne sait pas. je Enfin, pense pas, non. j'ose espérer que ça va faire comme Non, il nous manque le tout. Winter Soldier. Je pense que c'est comment? Merde, je me souviens plus du proverbe, mais ah merde, Eh enfin ben c'est l'arbre écoute, qui cache la forêt, si quoi. un jour tu t'en rappelles, Ouais, tu nous le dis. Le Le noix de coco, qui gomme noix de coco, fait confiance en son alliance, hein, quand même. Oh putain. J'ai pas Quoi? compris. J'ai Non, rien non, compris. non, J'ai non. l'impression que tu parlais en mandarin, là. Oui, non, mais c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Les auditeurs auront compris et je pense que ça suffit largement. Mais j'ai rien compris. C'est pas grave, on parlait de noix de coco et d'anus. Ah, Comment rebondir après ça? Oui, il y a encore beaucoup de choses à voir, hein, ne serait-ce que Daniel Brühl, j'ai pas l'impression de l'avoir vu. oui, c'est vrai. C'est vrai que Mais, voilà, il y a quand même encore beaucoup de choses. Baron Zemo, qui est quand même l'ennemi du truc, voilà, n'est pas là. Crossbones, pareil, j'ai pas l'impression d'avoir vu non plus, alors qu'on me disait Si, qu'il si, allait. on Si, pareil. l'aperçoit. On Ah, l'aperçoit. je l'ai pas vu. Je ne me souviens pas de l'avoir vu. Et aussi la vision, on voit pas la vision. J'ai juste apprécié comme une des seules choses que j'ai aimées, peut-être même la seule chose que j'ai aimée dans ce trailer, comme un symbole un peu, cette scène de baston où Cap Bah oui, voilà. et Bucky se passent le bouclier pour taper sur Iron Man. Donc certes, il y a le fait je te passe une arme, etc., mais il y a aussi le. Enfin, Passe-moi le pouvoir, ouais. c'est j'ai un pas peu vu n'importe quelle le. main. J'ai un peu vu aussi la passation du symbole entre les deux, et voilà. Et du coup. Le sowozai aussi entre Tony Stark et Captain, ça c'était moche, je trouvais ça super. Ouais, non. Puis le Ouais, je petit. préfère. Non! Non, parce qu'ils ont son Mais. armure là dégueulasse avec les écrans partout, là, je trouve pas ça beau. Non, non, Bref, voilà. c'est. On va pas s'éterniser sur trailer, on a bien Ouais, le temps d'en c'était voir rabat-joie d'autres. un peu. La seule impression que j'ai eue, en fait, c'est qu'ils ont bricolé vite fait quelque chose C'est pour ça. donner à manger avant Thanksgiving, en sachant que peut-être le vrai premier, vrai beau trailer sera avec Star Wars, et peut-être qu'ils se Ouais. rendent compte que ça faisait un peu long, donc ils ont bricolé un truc vite fait, C'est ça. et voilà. Ils ont fait une accumulation d'images et ils se sont dit on va montrer des images et puis on s'en fout si ça envoie quelque chose, quoi. Donc bon, on verra. On verra, il y a peut-être quelque chose qu'on ne verra pas, Irish. Oui. Espérons. C'est Fantastic Four, le 2, parce qu'on apprend que la Fox aurait supprimé de son planning la suite du fabuleux Fantastic Four. Voilà. Premier du nom. Pour le moment, c'est du aurait supprimé, on verra. On oui, verra c'est du conditionnel. Mais en général, ce genre de choses, on l'annonce pas par communiqué. Non, c'est clair. Ouais, oui, on se doute bien. Et puis du côté de la Marvel Studio, on regarde un petit peu vers la suite et Doctor Strange est officiellement entré en tournage. Alors, officiellement, c'est ça qui est intéressant parce que ça fait déjà 2-3 semaines qu'on voit des photos de tournage. Ouais, c'est ça, j'ai pas Et Marvel Studio en a profité pour annoncer donc que Mads Mikkelsen sera bien le méchant du film. Voilà. Bon, bah. Mads Mikkelsen, quoi. Oui. Ouais. Il est abonné au Blockbuster hein, parce qu'entre. Entre Doctor Strange et dans le premier spin-off de Star Wars. Oui, c'est vrai que voilà. Il est abonné. Disney. Mais il aime bien Disney aussi. Faut Disney l'aime bien, je sais pas. Bah, c'est son banquier qui aime Disney. Ou Disney le paye bien, je sais pas. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Voilà. Abonné au Blockbuster, c'est pas un moment que j'ai pas vu dans les Blockbusters. Non, il va y être, puisque avec Star Wars et ça. Voilà. Mais bon. c'est un super acteur. Oh. Et pour terminer, la petite actu des comics VO, vraiment pas grand chose cette semaine. Brian K. Vaughan, normalement, devrait toujours précéder Brian K. Vaughan de Monsieur. Donc, Monsieur Brian K. Vaughan a fait parler de lui sur Twitter, puisqu'il a rejoint Twitter cette semaine. Cette semaine, c'est un peu sa semaine, parce que le retour de Saga, enfin, numéro 31 est sorti. L'édition de Private Eye, le fameux comics qu'il avait fait sur Panel Syndicate, est sorti, sort au mois de décembre en relié. Et il a annoncé un nouveau projet. Il a juste posté une photo, un dessin sur Twitter, qui est une espèce de frontière en barbelé, je ne sais pas, avec en premier plan de l'herbe, avec des taches de sang et des mouches qui volent, donc on se doute bien qu'il va y avoir quelque chose de pas très joli juste avant. Et la légende de cette photo est « Crime has no borders », donc le crime n'a pas de frontières. On n'en sait pas plus, on ne sait pas avec qui il va faire ça, on sait juste que ce sera aussi sur Panel Syndicate, donc la plateforme où en fait vous payez ce que vous voulez pour pouvoir lire les épisodes, donc vous pouvez payer entre 0 et l'infini, donc vous donnez vraiment la somme que vous voulez, et même pour 0$, vous pouvez lire les comics de cette plateforme. Donc du coup, voilà, nouveau projet pour Brian K. Vaughan. Pas de date non plus, mais s'il y a déjà un dessin, c'est que ça devrait arriver en 2016. Ouais. Assez intriguant. Mais Brian... Ouais, c'est intriguant, puis c'est Brian K. Vaughan, quoi. C'est ça. Voilà, bah c'est bien de commencer un mag par Supergirl et de terminer par Brian K. Vaughan. Belle progression. Commencer de la médiocrité à la quasi-perfection. C'est comme si c'était presque fait exprès. C'est ça. Alors, le magazine est un petit peu plus court cette semaine, ça tombe bien, ce qui nous laisse quelques petites minutes pour vous dire en podcast ce qu'on vous a déjà dit sur Twitter et Facebook concernant le mois de décembre qui vient de commencer. On va faire une petite pause au moment des fêtes, on va s'arrêter pendant 2 ou 3 semaines, on verra au niveau du mag et de sur nos écrans et de Comic Stories présentes. Vous n'aurez pas ces émissions-là pendant 2 ou 3 semaines sur la fin d'année et début 2016. Mais vous aurez le 20 décembre, le dimanche 20 décembre à 20h30 en direct, le Comic Stories Christmas Special, qui est tout simplement un grand jeu, un grand quiz de culture geek, qui verra s'affronter tous les membres de l'équipe et qui vous permettra de gagner quelques cadeaux sympathiques. Et puis le 27, là encore en direct, les Comic Stories Awards 2015. Avec toute une tripotée de prix à décerner pour les comics VF, VO, mais aussi les adaptations sur écran. Et puis, comme on n'a pas pu s'empêcher de dire du mal, on vous proposera également durant cette soirée de magnifiques Awards pour un peu mettre en avant le pire de l'année. Et c'est peut-être ce qu'on attend le plus. Voilà. Non, on ne peut pas se le cacher, on a envie d'insulter Gotham, Supergirl. Ouais, non, les cacher. Pour. J'allais dire. Tout ce qu'il y a à faire à la catégorie VO, c'est du très lourd. Voilà, oui, ça va être dur, je pense, de faire son choix pour les meilleurs scénaristes, meilleurs dessinateurs, etc. Voilà. Les votes sont ouverts. On a ouvert hier, lundi, les votes pour les comics VF. Vous avez pour cette catégorie jusqu'au 20 décembre pour voter. Aujourd'hui, on ouvre les catégories écrans. Vous avez donc un jour de plus pour voter pour les écrans. Demain, ce sera les comics VO. Et puis jeudi, on terminera par les Awards, et donc vous aurez jusqu'au 23 décembre pour voter pour cette catégorie, et puis après le temps de dépouiller, et ben, il sera temps de faire l'émission et de voir un petit peu le résultat de tout ça. Sachez juste que dans les awards de l'année, il y a un award pour lequel il y a un seul nommé. Ah oui, voilà. Donc on connaît a priori au moins un gagnant d'un des prix. Et c'est un award. C'est bien, c'est mérité. C'est un prix qui sera mérité, oui. On se retrouve jeudi, en tout cas pour le bilan de Jessica Jones saison 1. Ça sera sur nos écrans numéro 32. Ce week-end, on se retrouve pour Comic Stories présente Alias. Et mardi, le mag numéro 33. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut. Salut.